attendons un peu. Et ça y est, l'enregistrement est lancé. Et nous sommes donc un vendredi. Un vendredi, il est 22h35, 34 pour être précis. Nous avons donc deux invités, une personne et une autre. Et moi-même, je ne suis pas un invité, je suis donc le producteur de cette émission qui s'appelle Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. J'espère que vous comprenez bien ce que je vous dis parce que j'ai des problèmes d'ouïe en ce moment, je ne m'entends pas parler. Voilà. Et tu t'appelles ? Et je m'appelle Al. Vous pouvez dire Al-Lal aussi. C'est un moyen mnémotechnique, il faut le dire deux fois pour s'en souvenir pour le reste de sa vie. Alors, j'ai trouvé le moyen de vous faire vous rappeler de moi, donc Al-Lal, c'est moi. Précision. Merci. Merci. À vous les studios. Donc, la première fois qu'a été nommé le CSA, la première fois, ce fut le message qui est passé pour Julien, et la deuxième fois, peut-être, un message dans une bouteille pour la troisième personne qui est présent ce soir, c'est-à-dire Lucie. C'est toujours une radio sans dédicace, Canal Sud, comme vous pouvez le voir, sur toutes les émissions, dont Nuisance, pas de dédicace, c'est génial, je kiffe cette radio. Une radio anti-dédicace, donc ne dédicaçons rien. Voilà, c'était juste en fait pour poursuivre la présentation du groupe, pour dire qui compose ce soir l'émission de Nuisance, qui est l'émission d'Al. Qui est l'émission. Pour vous en souvenir, Al-Al. De la queue d'Al, même. Une queue d'Al. C'est-à-dire, c'était une blague vulgaire, purement gratuite envers la vulgarité et l'arrogance toujours habituelle à ce genre d'émission pourrie. Et donc, pour être encore plus précis, Lucie s'y présente, est capable, comme tout le monde, de provoquer et d'avoir des mots qui pourraient dépasser les tolérances du CSA. Comme tout le monde, Lucie pourrait s'énerver. Moi aussi, je pourrais m'énerver. Al aussi pourrait s'énerver. Al aussi pourrait s'énerver. Allez, ouais. Tous vous faire enculer, par exemple, c'est un exemple. Voilà. Allez tous vous faire foutre ou allez tous vous faire baiser. Voilà, mais là, c'est justement entraver la règle. Quelle règle ? Ah, les règles, d'accord. Entraver la règle. Mieux. Qui a été dite justement pour le CSA, qui était une prévention pour le groupe finalement, voilà. Un message. Prévention. Un message qui était finalement pas pour vous, puisque vous n'avez pas la parole, ou alors sinon vous pouvez nous appeler. Peut-être. Oui, vous pouvez appeler au 05 61 53 36 95. Je répète le 05 61 53 36 95. J'aurais veillé à décrocher le téléphone pour ne pas avoir d'appels donc, qui disturberont l'émission live ce soir, donc un vendredi, je ne sais quelle date, janvier 2011, deuxième semaine, je crois, troisième, tant que premier. Je n'y entrave que dalle. Et donc, maintenant, depuis cette intervention dalle, le message s'adresse aussi à vous, puisque maintenant, vous pouvez nous appeler. Voilà, donc, n'appelez pas, surtout. Voilà, après, ne vous dérangez pas, on va vous parler, on va vous nuire. Nuisons. Donc, toujours la volonté. Un peu de volonté là. Allez, un peu plus de volonté. De la volonté. Et aussi un petit peu de suspense. Parce que nous avons toujours pas eu l'accord de Lucie. Il n'importe peu dans une émission censurée comme la nôtre de parler ou de ne pas parler. Ce qui est important, c'est de ne rien dire, de censurer. Donc ne censurons rien à part nous-mêmes et les autres. Faisons notre devoir républicain, hein, ce jour du Saint, une paire de saints même. On nous appelle, je vais donc couper le micro pour pas déranger. De Mouloud, salut Mouloud. Donc ce n'était pas un salut, c'est interdit les saluts, donc toujours sur cette émission, nous sommes des sales cons, nous ne sommes pas des sales U. Nous demeurerons donc demeurer pour vos saints services crédules. Croyez-nous donc fous, croyez-nous, ou croyez, ou... Ce qui est important, c'est toujours de savoir, n'est-ce pas? Société de savoir, de connaissance, de... Ou alors de comprendre. De comprendre, donc, toujours... En effet. Le « en effet » étant une incité. Comme « ainsi ». Ainsi va la vie. À la fin, etc., etc. Maldite, maudite. Ça maintient le doute. Obstruant donc toujours la pensée, la fameuse pensée logorienne, logosique. Ou de reculer, donc avance, recule. Vous comprenez? C'est ça, c'est comprendre. Et n'oublions pas la fameuse justesse de propos. Ne coupez pas, ne censurez pas, surtout ne faites rien. Cela, je veux dire, ne coupez pas la parole des gens intelligents ou des autres. L'incompréhensible, la fameuse lutte souveraine chez un être humain ou une être humain, une maîtresse humaine. Donc comme un être humain est un étron flaculent, vive la tulle. Et c'est pas tout ça, mais le langage donc toujours une précision ou pas à apporter peut-être. Savoir ou pour comprendre? Pour saturer donc les amplis des uns et des autres. Une imprécision peut-être de la part d'un là serviteur, comme lassitude. Là donc comme lassitude, même que je n'espère plus en vous ou en nous d'ailleurs. Je n'espère qu'une seule chose, que l'on soit assez con pour comprendre donc la justesse, donc, comme nous disions, la compréhension, justesse juste de la justesse juste. Justesse étant le maître mot de cette compréhension et comme de cette action menée à absolument ne rien faire pour vous rendre service ou se rendre utile donc à une société pourrie de merde qui pue en France. Je veux dire, sans état d'âme, que la société française est une merde pourrite, bien qu'elle ne purule que conséquemment. Cache-misère. En tout cas, et l'exclusion étant reine et la réclusion étant roi, là là là, faisons donc des poèmes avec ce glas. Glas, glas, glas. Si tant est qu'il y ait un vilain espoir, nous le condamnerons aussitôt qu'il adviendra. Ne vous souciez donc pas de l'espoir. Nous nous en chargeons. Pour vous ce soir, nuisance, donc toujours sur Canal Sud 92.2 FM. Je ne le dirai jamais assez, ou canalsud.net. La radio qui fait voix libre. Donc les 31 ans de la radio cette année, 2011. 30 ans, 31, je sais pas. Donc les 30 ans des radios libres en France, Radio Libre ou Mourir. On espère que l'État arrivera à les crever toutes. Voilà, merci. Et nous aussi, on espère crever pour l'État. Voilà. Donc vive l'État, dame. Dame Ned, l'État dame. Qu'ai-je dit? Violence. nous appeler au 05 61 53 36 95 pour nous dire à quelle heure ferme la pipe, s'il vous plaît. Le tabac esquirole, là, vers la dorade, je crois. Terme, ça c'est sur, sur l'avenue qui fait le tour, là, boulevard de Strasbourg, c'est ça. Alors j'achète du tabac, bien que ça me fasse mourir un jour. J'espère que ça me tuera vite. Et douloureusement, comme c'est prédit. Enfin, lentement, en fait. Lentement et douloureusement. Comme c'est prédit sur la carte de visite de cette vie, nous allons tous mourir. De quelque chose. Et de quoi? De quoi va-t-on mourir ce soir? De nuisance, oui. Nuisance au pluriel avec un S entre parenthèses. Parce que le Z n'était pas à sa place. J'abuse des fois des Z. Comme dans Al-Lal, il y a deux Z, vous voyez, et également deux H. Deux H, donc symbole de la courtoisie. Donc, ma cigarette s'est éteinte et s'est ensuite rallumée. Par magie, j'ai vu les choses saturées dans mon esprit et toujours cette... mélancolie, si j'ose dire. Si, de la mélancolie, même exacerbée. Quand on parle d'excision ou de circoncision, qu'est-ce qu'on peut être con ? Culture. Culture, donc, comme nomenclature dorée. Subjectivité. Accélération momentanée. Subtilité. Donc la douceur, la fameuse douceur dont on parlait, la douceur des états d'âme qui vont bientôt mourir sous un poids fardeaucien comme gnostique. L'absolu étant donc accessible aux êtres humains, à terre, à mer, patrie. Nationalisme, etc. Donc l'absolu, toujours étape, toujours étape, comme liaison entre les liens donc entre les liaisons et les liens. Vous comprenez ? Comprendre. Toujours la fameuse justesse. On observe très peu de variations de nomenclature, mais au moins elle reste là. La culture est toujours celle que l'on veut qu'elle soit. Culturons-nous, nous sommes en train de cultiver des graines de quelque chose que serait juste en l'écoutant. C'est juste. C'est justement ce que c'est. La culture et son avatar. Donc un clavier qui s'accélère momentanément. Accélération, nombre à décélération, c'est vers la mort que nous allons tous en chantant. En chantant. La mort et la souffrance étant le maître mot de cette existence, nuisance est là pour vous le rappeler, encore une fois. Toujours fidèle au poste, mes potes. C'est moi, nous vous le rappelons, donc nuisance étant l'émission qui nuit au sens. Cette année 2011, l'année de la zonze, soyons heureux, car l'année 2012 sera l'année de la touze. Donc soyons heureux. Avoir de la patience. Pour l'accepter. Il faut une rature. Il faut donc une rature dans cette émission et elle est faite. Il reste officiellement 10 minutes pour s'exprimer sur les ondes hertziennes et internetiennes. compris, Étienne. Donc interne-toi. On en sera mieux comme ça. La colère et la compassion, toujours vaincrice. Vaincra. Ou vainqueuse, peut-être. Enfin, vimbeuse plus tard. Toujours la même démence. Inatrophiée. Du ciboulot. La tolérance, donc. Opposée à la folie. Démentiel d'un con, d'années, à vivre. Se protéger. Se protéger donc du tout. En ne faisant absolument rien pour changer les choses, il ne vaut mieux rien changer pour ne rien démarrer de trop risqué. Donc ne risquons absolument rien et restons sur nos gros culs. Et chions dessus. Quel plaisir. L'amour. Vous entendez le bruit de fond. Et les phénomènes se passer les uns des autres. Toujours une possibilité de changer de scud. Vous entendez le changement de scud. Après un rangement de scud, un déballage de scud et un remettage de scud dans, enfin un métage plutôt puisque c'est un autre scud, dans le lecteur de scud. Ça, vous avez bien entendu le tiroir du lecteur de scud et vous êtes condamné à écouter cette merde encore une fois, offerte pour vous par personne, car personne n'est coupable, nul n'est innocent, c'est la même chose à la fin. L'enfer est sur terre. L'enfer sur terre, donc démentiel. Toujours autodérisoire. Et soufflé comme du verre pilé. Ne prenez absolument rien pour vous changer la conscience, ce serait mal. Comme de changer d'ailleurs de conscience par des voies naturelles. À part les nôtres, car nos voies sont naturelles et bonnes. Les leurs sont de la merde. Disons-le carrément, c'est de la merde. Mais taisons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Nous ne voulons pas risquer encore des rétaliations de l'adversaire, des adversaires polyculturels, soi-disant. Sur la culture, c'est la culture du fric, mais qu'impose la loi? Qu'impose la loi? La question est là. Les aigus étant donc travaillés à la machine à brouetter. Je ramène une sacrée brouette de terre à chaque fois que je fais les hivers de merde. Ça fait du compost, direz-vous. Keep your composure. Jiggy, jiggy, jiggy. Ah, mais je vais être super. Vous entendez des basses qui frétillent et des gens qui parlent. On ne sait pas de quoi on parle, bien sûr, à part nous. Nous sommes les seuls qui savons de quoi on parle. À part les autres, peut-être, qui savent de quoi on parle. Donc, à part cela et nous, les gens ne savent pas de quoi on parle. À part les gens qui savent de quoi on parle. Donc... Je n'en ferai rien. La loi ? La nécessité à un instant d'édicter des règles pour organiser. Dépasser l'adversaire donc par son non-anéantissement, son non-annihilation, nous nous dépassons nous-mêmes, nous sommes en dessous de tout ça, nous sommes des sous-humains, nous ne l'oublions pas. L'adversaire étant donc humain et surhumain. C'est sublime et en même temps le joli nous sauvera peut-être. Sûrement subjectif. La différence, la tolérance. Délire paranoïaque évidemment. Aller devant vous pour vos mirettes et vos oreilles, vous connaîtrez la voix X, V-O-I-X, la voix donc de vos maîtres. Nous sommes vos maîtres pour un instant. Chouette. Donc faites ce qu'on dit et dites pas ce qu'on fait. On dit ce qu'on pense et une hypothèse. Brutalité donc évidente. Envers son ego. Formant donc une intolérance comme une inespérance de l'âme qui est comme piégée dans un corps matériel. Si je croyais ce que je pense, alors je dirais que. Que, U, E, U, E. Point à la ligne. Que, U, E. U, E. Point. Plaisir. De cheval. Ego. Ego démesuré ou mesurément celui d'un cheval. Donc, pour une fois. L'ego n'ira pas bien loin, il servira de siège momentanément. Existe dans le ludique. Le frotti-frotta avec la selle, donc toujours aussi amusant pour les petits et les petites. La sexualité. Donc la sexualité comme négation de la sexualité, comme abstinence de l'être sexué. C'est donc une asexualisation et... Nous en sommes assez fiers, nous avons atteint le summum du Nibbana, donc en Pali, le Nirvana intégral. Nous sommes actuellement le vendredi 14 janvier 2011, je me suis souvenu donc de la date d'aujourd'hui, donc ce moment, donc 2011, l'année de la Zonze, et 2012, l'année de la Touze. Nuisance, c'était une émission, fut une émission donc ce soir écourtée par un je ne sais quoi d'absurde, encore. et d'incohérent, donc, sans d'habitude. Nous avons effectué une émission de 30 minutes. Je remercie mes invités, pluriel. Oh là là, je mets les mots dans le mauvais sens, je dois être fatigué, il vaut mieux que j'arrête tout de suite, sinon je vais rater mes potes qui vont passer à la maison. Et donc je vous laisse sur un ce je sais quoi, mais vous ne saurez pas.